All-Star. Camerné dans le 9-3, j'habite dans le 9-1. Peu de bluff, peu de ref 3, peu de meufs bien. Beaucoup de gunshots, de stars, de cul de chat. Bouge comme PES, des gunshots, tout à aucune chatte. Katana Sam, au micro fort, il faut quitter la salle. Sortir du monsieur, autour de moi y'a que des mains sales. Des guerriers Maasai qui paraient de l'oseille sur Paris-Marseille. Et se foutent le monsieur, rien à foutre que des cœurs pourris Maasai. J'ai tout visionné dans mon cirque, au clown au sourire inversé. Pas de pointeur mais souvent la serrure est forcée. Toutes nos faiblesses, le shit sert à renforcer. 12% de nos erreurs sont irréversibles. Irréversible, on dira merci, bien versé, bien la totalité de leur sang dans le récipient. Qu'est la planète bleue, la terre rouge ou le globe, l'argent est aux manettes, yeah. Plus la perte couille de globe. J'commence la night avec un blunt, j'suis fly, et j'fais tourner la skunk avec une grosse bouteille de sky. J'ride dans mon check, j'suis high, j'ai pas envie de faire la fête, mais tu as envie de défourailler sur un GI, même à la mitraillette. J'braille, car sur ma tête, j'encule le FBI et la FBI qui nous arrête. J'suis net ou j'suis die, en fait, si j'fais dans le détail, on est des bêtes, on traite comme du bétail, tout comme au bled. J'm'empête qu'on me remette une médaille, car dès qu'on a fini de se fight, on pense qu'à tous nos gyras qui sont dead. On pense qu'à refaire des batailles, afin que ça pète, afin que tous les mecs fassent papaye comme des tapettes. C'est être ou ne pas être, c'est être trop la steak ou être un as de la grosse pastèque. C'est net avec des gars qui sont dans le jet, c'est niette, c'est net avec la dalle et puis un lance-roquette. Yeah. C'est des noirs dans des arnaques, des femmes dans les parloirs, de la cam dans les cartables et des armes dans les armoires. Sans profession, baise rarement sans protection, every boulonne connexion, elle sonne haute scène projection. C'est des noirs dans des arnaques, des femmes dans les parloirs, de la cam dans les cartables et des armes dans les armoires. Sans profession, baise rarement sans protection, every boulonne connexion, elle sonne haute scène projection. J'ai organisé un truc. Moi je veux tout niquer, vieux, avec unité de feu. Je m'en vais carboniser l'instru, on m'incule, qualifié d'incendiaire. Paniquez pas quand je check, quand t'as arraché des chèques, Paris c'est bien quand j'aide. Avec ou sans hôtesse, moi je veux me vaisseau, frère. Pas de love, juste un monde, donne-moi tes ovaires finis. Tu peux remballer tes mimiques, échanger tes techniques. Comprends, j'ai plus confiance en la jante féminine. J'ai sacrifié les baisers, j'ai au revoir aux baises mains. Je serai pas le mec qui va t'aimer, je serai le mec qui te baise bien. Rêve de gauche, je te le dis, du gloss sur le Peugeot, un bloc dans le Nudge. Je suis le boss, je te le dis. Je prends ma vie comme un grand cru. Je mets 30 ans à la boire. Pas là pour faire la foire, cousin, ça s'entend à la voix. Moi j'ai dit au revoir à la peu. Mon rap parle à ceux qui préfèrent trironner, pichonner leur arme à feu. Blah. Roule un joint que je fasse péter le thermomètre. Gars, je reste correct, je fais pas de gestes obscènes. Catin, le texte est violent comme une scène Scorsese. Tous les ignorants, faut qu'ils payent le forfait. Catin. On est loin de respirer l'air de Norvège. Ici c'est sex, drogue, Benz, depuis Ace of Base. Catin, j'suis pas du genre à mettre des Air Force Base. J'avais déjà le poing levé pendant que ma mère me portait. Catin, reste dans ton coin, tu sais que l'aigle t'observe. Catin, lèche l'orteil au chef d'orchestre. J'viens vous mettre hors service, personne même fils. Peut-être qu'Allah me réserve le même sort qu'Elvis. J'veux la douce vie et la limousine, cousine. Viens sucer le Tounsi et avaler la purée mousseline. Bande de carbas, restez entre cafards. Je viens vous mettre une hasba, je compte bien prendre ma part. C'est des noirs dans des arnaques, des femmes dans les parloirs, de la cam dans les cartables et des armes dans les armoires. Sans profession, baise rarement sans protection, every boulonne connexion, elle sonne haute scène projection. C'est des noirs dans des arnaques, des femmes dans les parloirs, de la cam dans les cartables et des armes dans les armoires. Sans profession, baise rarement sans protection, every boulonne connexion, elle sonne haute scène projection. Unité de feu, Sound Twins Remix.